Son Excellence Alexandre Leyan vient de s'écrier noble et forte parole à propos de celle que viennent de dire les frères Fauderch, inventeurs du Schulblick, à Guy et à Sylvain au cours de la soirée donnée en leur honneur. Un cardinal à ce moment passa auprès d'eux, qui, avec onction et majesté, salua gravement le gouverneur en portant deux doigts à son chapeau. C'est un prince de l'Église ? Demanda Sylvain. Non, c'est François Minestrone, le principal pharmacien d'autre lieu. Il tient officine sur la place du marché à l'enseigne du gargarisme élégant. Il a la manie dans toutes les fêtes et cérémonies officielles de s'habiller en cardinal. On le laisse faire, ça ne fait de mal à personne. Et ça lui fait tellement plaisir. Eh bien, attends les enfants, allons danser. Excellence, Diguet, nous excusons, mais véritablement, n'en pouvons plus. Les multiples émotions de cette inoubliable et glorieuse journée nous ont positivement brisés. Un peu de repos serait le bienvenu. À votre aise, mes bons amis. Alors, au revoir et bonne nuit. Et n'oubliez surtout pas demain votre rendez-vous avec Madame de Besmont. Nous aurons garde de n'y point penser. Sylvain et Guy, en se retirant, allèrent présenter leurs hommages à Madame Leyan et à sa demoiselle. « Voulez-vous voir mon derrière ?» proposa Agrippine. « Mais, fit en rougissant Sylvain, vous l'avons déjà vu ?»« Oh, bien mal, dans très mauvaises conditions, et à contre-jour. Tandis qu'ici, sous les projecteurs, ça a beaucoup plus d'allure, c'est beaucoup plus vivant. » Gênés, les deux amis bredouillèrent de vagues excuses, et Agrippine, qui pensait déjà à autre chose, n'insista pas. À son tour, Bethsabée Leyan proposa aux deux amis d'aller coucher avec eux. « Vous verrez, insinua-t-elle, on s'embêtera pas et vous pourrez tout à loisir constater que, comme le dit Madame de Besmont, ma réputation de ne pas être feignante sous l'homme n'est pas surfaite. De plus en plus gênés, Guy et Sylvain prétextèrent de la fatigue du voyage, de leur besoin de sommeil et de leur extrême lassitude. « Oh, vous savez, fit Bethsabée, un peu vexée quand même, et pas tellement pour la bagatelle, mais c'est plutôt histoire de prendre quelque chose avant de dormir. » Sur ces mots définitifs, ils regagnèrent enfin leur appartement. « Ouf, soupira Guy, quelle journée et quel pays, en chirait Sylvain. » Un quart d'heure après, ils dormaient du sommeil du juste. Ils firent plus que le tour du cadran et s'éveillèrent vers midi, frais et dispos. Ils firent une toilette soignée et avalèrent de fort bon appétit le copieux repas qui leur fut servi. Ils terminaient leur café lorsqu'un personnage se fit introduire auprès d'eux. Un personnage jeune, d'aspect sympathique, vêtu avec recherche et s'exprimant avec distinction. « Permettez-moi, messieurs, dit-il de me présenter. Léon Lamigraine, attaché au cabinet de son Excellence, le gouverneur, agrégé d'histoire et licencié CM. » Licencié CM, s'étonna Guy, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans le temps, j'étais employé au crédit municipal et qu'on m'a foutu à la porte. Ah, parfait, dit Sylvain. Et qu'est-ce qui nous vaut l'honneur de votre visite? Son Excellence, le gouverneur, qui m'honore de sa bienveillante confiance, m'a délégué auprès de vous pour vous guider, vous conseiller, vous aider en un mot, pendant tout votre séjour sur le territoire d'autres lieux. Je me tiens donc, messieurs, à votre entière disposition. Sur ce, Léon Lamigraine s'approcha des deux amis et leur fit à chacun une bise affectueuse dans le cou. « Eh bien, monsieur Lamigraine, dit Guy, je crois que le gouverneur ne pouvait mieux choisir. En quelque sorte, vous êtes notre cicérone et votre ami, si vous le permettez, ajouta Léon. Je m'excuse, mais n'avez-vous pas rendez-vous avec la directrice de la pétasserie d'État, madame Gisèle de Besmont? Si fait, eh bien, je vais vous y conduire. Elle vous attend dans son cabinet directorial. Une voiture est en bas, si vous voulez bien me suivre. » Un quart d'heure plus tard, Guy et Sylvain, flanqués de Léon Lamigraine, étaient introduits chez Madame de Besmont, qui les reçut naturellement, fort aimablement. « Alors, mes amis, de quoi s'agit-il » fit-elle. « Que puis-je pour vous et que voulez-vous savoir ?»« Tout, madame, » dit Sylvain. « Tout, » objecta-t-elle, « c'est beaucoup. »« Tout sur vous, » susurra galamment Guy. « Ce ne sera encore pas assez. »« Enjoliveur, » murmura Gisèle. « Pardon, fit Guy. Enjôleur, voulais-je dire. »« Allons, jeunes gens, vous me plaisez. Questionnez, je vous répondrai. » Ainsi donc, fit Sylvain, vous avez fait toute votre carrière dans la galanterie. Intégralement, oui. Et vous exercez encore? Non, maintenant je professe. Et c'est pourquoi son Excellence m'a mise à la tête de cet institut qui porte le nom de pétasserie d'État. Et vous avez toujours exercé à autre lieu? Non, pas à Paris. Non, je ne suis ici, c'est-à-dire du côté d'ailleurs, que depuis que j'ai pris ma retraite. Et comment vous est venue la vocation? Oh, c'est toute l'histoire. Comptez-nous ça, prièrent Guy et Sylvain, à suivre spontanément et généreusement. Madame Gisèle de Bézemont, directrice de la pétasserie d'État d'autres lieux, commence, à la prière de Guy et Sylvain, le récit de sa carrière galante. « Eh bien, voilà, dit-elle, je vis le jour dans la nuit du 21 novembre de la même année. Ça ne nous rajeunit pas, observa Léon la migraine. Je vous demande pardon, dit Sylvain, une question importante. Votre signe zodiacal, je vous prie. Je suis astrologiquement placé sous le triple signe bénéfique de la Vierge, du Taureau et du Sagittaire avant de s'en servir. Tout un programme, murmura Guy. Oui, et qui, dès ma naissance, établissait que mon destin de femme galante était d'ores et déjà inscrit dans les astres. Est-ce qu'un quelconque atavisme a exercé une influence quelconque sur votre orientation professionnelle? Absolument pas. Aucune hérédité. Vocation infuse, en quelque sorte, dit Sylvain. Et comment, chère madame, s'écoulèrent les premières années de votre existence? Oh, sans incident notable. Et pourtant, incontestablement, j'étais déjà prédestiné et très nettement stigmatisé. J'étais rêveuse et sentimentale, en même temps que précocement réaliste. Et j'avais confusément l'impression de brûler d'une mystérieuse et troublante flamme intérieure. Et ainsi que, délaissant les jeux innocents de mon âge, je me plaisais à assembler en des figures d'une singulière précision suggestive des figues, des bananes et des mandarines, voire des oranges. « Ça promettait, dit Sylvain. Et ça a tenu, riposta Gisèle. Aussi, lorsque j'atteignis ma 16e année, je sentis que ma vocation devenait irrésistible et que c'était sur le trottoir que je ferais mon chemin. Et qu'en dirent vos parents ? Demanda Sylvain. Mes parents avaient l'esprit large et ne purent que s'incliner devant mes dispositions. Et loin de me contrarier, ils m'encouragèrent au contraire à embrasser, au sens biblique du mot, la carrière vers laquelle je me sentais invinciblement attiré. Et ils me mirent en apprentissage. Vous aviez de bons parents, constata Guy. Oui, et compréhensif. Je fis donc d'abord un bref séjour au cours du Pont-Loup, juste en apprendre l'histoire de ce vénérable ecclésiastique dont l'organisme exceptionnel suscite encore de nos jours l'admiration des milieux aéronautiques. À ces mots, les trois hommes se mirent au garde-à-vous et firent le salut militaire, les yeux fixés en direction de la ligne bleue des Vosges. « Repos, mes amis, repos !» fut Madame de Mézemont émue par cette manifestation spontanée. Je fis ensuite un stage à l'Institut des hautes études théoriques et pratiques de la Garenne-Besançon et enfin à l'école polygénitotechnique de la Queue les Yvelines, d'où je sortis majeur de ma promotion, licencié S libido et agrégé S sciences érotico-licencieuses. « Quel palmarès !» s'écrièrent ensemble Guy et Sylvain. « mais non !» protesta Gisèle. « J'avais le don, tout simplement. » Et alors, fit Guy ? « Alors, mes études terminées, il fallait que je gagne ma vie. En conséquence, et pour me rôder, je n'avais qu'une solution, entrer en maison. C'est ce que je fis en débutant au Presse-Purée. Au Presse-Purée ? Oh oui, oh une charmante maison, où j'ai connu bien des... » Gisèle de Bézemont s'interrompit et deux grosses larmes coulèrent lentement le long de ses deux joues. Madame firent émue les deux amis. « Ah, est-ce bête ? Excusez-moi, dit Gisèle, en se faisant violent. Chaque fois que je parle de cette période de ma vie, c'est plus fort que moi. Je me laisse aller, comprenez-moi. C'est toute ma jeunesse, tous mes souvenirs. Nous comprenons, madame. » Et puis les patrons étaient si gentils, si humains. Lui, surtout, c'était un type hors série. Comment s'appelait-il ? Jojo le contagieux. Un caïd, messieurs, un vrai. Et qui était arrivé à force de travail, de volonté, de persévérance. Pensez donc, il avait commencé avec sa femme et une chaise. « Chapeau bas, messieurs, dit Léon les migraines. Bref, j'ai connu là de bonnes heures. Cependant, je n'aurais probablement fait, en dépit de mes titres et de mes diplômes, qu'une honnête et honorable carrière sans plus, si un événement fortuit ne m'avait soudainement aiguillé vers une destinée que mes biographes se sont accordés à qualifier de fulgurante. Mais je bavarde, j'ai peur de vous importuner. Mais pas du tout, s'écria Sylvain, tout ça est prodigieusement intéressant. Nous sommes suspendus à vos lèvres. Vous n'êtes pas les premiers, reprit Gisèle en clignant de l'œil d'un air entendu et coquin. Bref, un jour que, légèrement souffrante, je venais de me faire faire une piqûre de chlorhydrate de pétasse, je lus dans un quotidien que le paquebot Normandie, désaffecté depuis, venait de ravir le ruban bleu en filant ses 35 nœuds à l'heure. Cette nouvelle me laissa rêveuse un bon moment. Et puis soudain, comme inspiré, je murmurais. Je ferai mieux. Et quelques jours plus tard, après un entraînement forcené, établissant le record mondial de vitesse et d'endurance, avec 45 clients de moyenne horaire, et m'attribuer de surcroît à la prime d'abattage pour avoir au sprint, pause, dépose, préparation, exécution et finition comprises, expédié un bonhomme strictement de série dans le temps jamais atteint de 1 minute 56 secondes 4 cinquièmes. « Un instant, madame, implora Sylvain, c'est trop beau, trop noble, trop grand. Laissez-nous reprendre notre souffle et le temps de prendre des notes. À suivre avec émotion et respect. » Thank you. Madame de Vaismont vient d'évoquer de façon fort émouvante ses débuts dans la carrière galante à Guy et à Sylvain, profondément émus, poil au nouveau promu. « Ah oui !» murmura Gisèle d'une voix lointaine. « Ah oui, c'était le bon temps. » Puis, revenant sur terre, « Mais vous prendrez bien quelque chose, messieurs ?»« Mon Dieu, madame, dit Sylvain, avec plaisir, votre récit est tellement palpitant qu'un petit verre nous ferait du bien. Qu'est-ce que vous diriez d'un aqua-cocktail ?»« Un aqua-cocktail ? Oui, et qu'est-ce que c'est que l'aqua-cocktail ?»« C'est de l'eau ordinaire qu'on additionne avec de l'eau de Badoit, de l'eau d'Évian, de l'eau de Vichy et de l'eau de Mélisse. »« Ça doit être excellent. » Non, mais ça vous enlève pour un bon moment l'envie de boire. Et vous faire préparer ça. Elle a donné des ordres et revint aussitôt. Alors, reprit-elle, je continue. Nous vous en supplions, dit Guy. Bon, alors voyons, où en étais-je? Ah oui, donc après l'établissement de la performance que je viens de vous relater, ce fut pour moi la gloire. La 20th Century Fox me fit d'alléchantes propositions et je partis pour Hollywood, tourner la cueillette des olives qui remporta un triomphal succès. Et qui passe d'ailleurs encore actuellement dans certaines salles spécialisées. Mais je crois bien, s'exclama Sylvain, nous l'avons vu, tu te rappelles, Guy? Je me rappelle. Ah, sinon, chère madame, c'est vous qui, dans là, avec le. Eh oui, c'était moi. Et puis, je reviens en France, en 1940. Et croyez-moi, messieurs, ce ne fut pas drôle. Nous en doutons, madame, fit Sylvain. Vous avez dû en voir de dur. N'exagérons rien, pas toujours. Oui, messieurs, ce furent alors les sombres années de l'occupation pendant lesquelles ma modestie dut en souffrir. Je fis l'impossible pour donner au maximum toute la mesure de mon patriotisme en faisant à peu de choses près du permanent et du porte-à-porte. Et à la... Gisèle de Baisemont parut hésiter une fraction de seconde, hésita franchement la seconde suivante et laissa finalement sa phrase suspendue dans le vide. Vous disiez, essaya d'enchaîner Guy, vous disiez, et à la quoi? Léon Lamigraine intervint, les yeux humides. Je vais vous le dire, moi, ce que tout le monde à autre lieu sait par cœur et qu'on apprend aux enfants des écoles et qu'elle ne vous dira pas parce qu'elle est trop modeste. Écoutez, messieurs. Et, à la libération, elle fut citée à l'ordre du jour de la voie publique avec les motifs suivants. Magnifique magnusdom. Ah, pendant 4 ans, et à l'aide de ses seules armes professionnelles, contribuée de toutes ses forces et de tout son courage à la défaite de l'ennemi. N'a pas hésité à contracter volontairement une grave maladie grâce à laquelle elle a réussi en contaminant de nombreux éléments de l'armée d'occupation, à mettre hors de combat les effectifs de 6 bataillons de la Wehrmacht. Voilà, messieurs, dit Léon Lamigraine, en s'essuyant les pieds. Un lourd silence s'établit. Gisèle de Baisemont, le regard perdu, souriait doucement à Guy et à Sylvain, qui, la gorge serrée, lui retournait son sourire. Heureusement, une jeune pensionnaire de la pétasserie d'État, portant l'uniforme de la maison, c'est-à-dire vêtue d'un peignoir rose transparent, vint apporter les rafraîchissements. Tout le monde toussa et se moucha pour se donner une contenance. J'ajouterai, pour en terminer avec ma biographie, reprit-elle, que, à la suite de ces événements, j'ai été porté à la présidence de l'Union des femmes légères de France et au secrétariat général de la Fédération internationale de baseball. Et voilà, messieurs, comme on dit à peu près dans Manon, l'histoire de Gisèle de Baisemont, courtisane diplômée. Mon ami et moi, dit Guy, en se levant, comprenons maintenant pourquoi son excellence nous a confié la direction de la pétasserie d'État. Elle est en de bonnes mains, et celles qui en sortent doivent certainement être armées pour la vie. Je le crois en effet, dit Gisèle. Nos filles sont élevées strictement et parfaitement éduquées. Nous leur inculquons l'amour de leur métier et leur donnons l'orgueil et la fierté de leurs conditions. Car, messieurs, je m'excuse d'employer ce sous-entendu, n'est pas putain qui veut. Aussi, si d'aventure il vous arrive de pratiquer une fille et qu'elle vous dise qu'elle sort de la pétasserie d'État d'autre lieu, montez sans crainte avec elle, vous en aurez pour votre argent. « Une dernière question, chère madame, reprit Sylvain. La propre fille du gouverneur, Bethsabée Lehian, est, je crois, l'une de vos meilleures élèves. Vous pouvez même dire la meilleure. Elle est tout simplement sensationnelle. » Les deux amis se levèrent. « Chère madame, firent-ils ensemble, il ne reste plus, en prenant congé, qu'à vous exprimer notre vive reconnaissance. Les lecteurs de mardi 8h vont être gâtés. Quant à nous, laissez-nous vous dire que votre nom demeurera, tant pour les générations présentes que pour les futures, comme le vivant symbole du don total de la personne humaine, à la noble cause de la souffrante humanité. À suivre, avec grandeur d'âme, hauteur d'esprit et en grande largeur. Thank you. Résumé des chapitres précédents. Guy et Sylvain sont sortis positivement bouleversés de chez Madame de Besmont après qu'elle leur eut fait l'émouvant récit de sa noble et glorieuse carrière humanitaire. Poil aux pommes de terre. Le lendemain donc, à 14h52 précise, ainsi qu'il avait été convenu au cours de la soirée chez le gouverneur, Guy et Sylvain, toujours et plus que jamais flanqués de Léon la migraine, se présentaient au laboratoire des frères Fauderche, ou plus exactement devant la porte de l'immeuble où il était installé. « Bon !» dit sentencieusement Léon la migraine, car il avait toujours l'habitude de dire « bon » de façon sentencieuse. « Ben, maintenant, il s'agit d'entrer. Ben, il n'y a qu'à ouvrir la porte, » suggéra Guy. Léon la migraine haussa les épaules à la hauteur des circonstances. « Pas si simple, » murmura-t-il, « non ? » « Pas si simple. » Et il désigna aux deux reporters un avis collé à droite, en haut, sur la porte, et ils lurent. « Instruction pour se faire ouvrir la porte. »« Primo, frappez 3 coucours et 2 coulons. »« Deuxio, si on ne répond pas, frappez 2 coucours et 3 coulons. »« Troisièmement, si ça ne donne rien, amorcez une grenade, la glisser sous la porte et attendre l'explosion. »« Quatrièmement, si le résultat est négatif, se mettre à genoux et actionner le timbre électrique qui se trouve en bas à gauche à 0,45 m du sol. » Ben, « on pourrait peut-être commencer par là, » proposa Sylvain. « À aucun prix, s'indigna Léon la migraine. N'oubliez pas que nous avons affaire à des scientifiques particulièrement chatouilleux sur le chapitre des directives. Il faut suivre leurs instructions, si bizarres semblent-elles. » À ce moment, la porte s'ouvrit et un portier en grand uniforme de portier de laboratoire apparut sur le seuil. « Messieurs Sylvain et Thierry, Guy Lanoeuf et Léon la migraine, sans doute, questionna-t-il. « Non, » répondit Guy. « Pourquoi dis-tu non ?» s'étonna Sylvain. « Parce que je me suis trompé, c'est oui que je voulais dire. « Entrez, messieurs, fit le portier. Messieurs Jules et Raphaël Fauderche vous attendent. » L'accueil des savants fut les plus cordiaux. « Prendrez bien un petit digestif, » proposa Jules Fauderche. « Avec plaisir, » firent ensemble les 3 hommes. « Alors ça tombe bien, qu'est-ce que vous diriez d'un peu de bicarbonate de soude et des biscuits mouillés ?»« Des biscuits mouillés ?»« Oui, ce sont des gâteaux secs qui sont tombés dans l'eau. Alors, n'est-ce pas ?»« Oui, oui, bien sûr, » dit Léon la migraine, « mais ces messieurs sont surtout venus pour que vous leur parliez du schmilblick. »« Ah, le schmilblick !» murmurèrent les frères Fauderche d'un air extasié. « Ainsi donc, reprit Jules à Paris, vous avez entendu parler de notre invention. »« Naturellement, répondit Sylvain, mais d'une façon très incomplète. Aussi sommes-nous impatients d'en connaître davantage. »« Nous allons vous satisfaire, » dit Raphaël. « Venez, messieurs, suivez-nous. » À la suite des frères Fauderche, les 3 hommes pénétrèrent dans une grande salle nue. Au fond, sur un tremplin, était posée une grande machine composée de roues dentées, de leviers, de tubes, de serpentins, d'arbres de transmission, de rhéostats, de résistance et d'un tas d'autres combinaisons plus ou moins mécaniques. Cependant, ce qui dominait dans cet ensemble, c'était la ficelle. Il y avait de la ficelle partout, sous tous les angles et dans tous les coins. « Messieurs, » déclamèrent avec emphase les frères Fauderche à l'unisson, « voilà le schmilblick !» Guy et Sylvain demeurèrent muets d'étonnement et d'admiration. Léon la migraine, qui connaissait l'appareil, s'excusa et sortira à l'équerre pour se livrer tranquillement à sa séance quotidienne d'onanisme, sport qu'il pratiquait rationnellement et qui, prétendait-il, remplaçait avantageusement la culture physique. Et Jules Fauderche commença ses explications. « Approchez, messieurs, et écoutez attentivement ce que je vais vous dire. Ce schmilblick, messieurs, est un schmilblick intégral, c'est-à-dire qu'il peut servir à la fois de schmilblick d'intérieur, grâce à la taille réduite de ses gorgomoches, et de schmilblick de campagne grâce à sa mostoplase et à ses 2 glottocifres qui lui permettent ainsi d'urnapouiller les ischioplocs même par temps de brouillard. « C'est remarquable, » dit Guy, « et positivement renversant, » dit Sylvain. « Regardez ici, » reprit Jules, en désignant une sorte d'alambic en rebut de ficelle. « Voici l'un des principaux rouages du schmilblick, la papsouille à turole d'admission, qui laisse passer un certain volume de la plaque small, lequel, comme vous le savez certainement, est un combiné de smith-muffre à l'état pur et de truducium filtrant sulciforé. » Guy et Sylvain, passionnément et faiblement, prenaient des notes. « À toi, Raphaël !» dit Jules Fauderche. Et Raphaël leur laya. « La plaxmol, dit-il, dont vient de vous parler mon frère Jules, est soumis à un courant foifoisé de 2000 spikmox. »« De 2000 spikmox ?» s'étonna Guy. « Eh oui, de 2000 spikmox, il faut ça. Moins, ce ne serait pas assez, et plus, ce serait trop. En somme, il faut ce qu'il faut, » dit Sylvain. « Exactement. » Donc, le laplaxmol est soumis à un courant foifoisé de l'ordre de 2000 spikmox, produisant ainsi de la roubellure de plastronium saligovalente, non pas à l'état métal boronique, ce qui serait non seulement ridicule, mais encore totalement inopérant, mais bel et bien à l'état guilmanuré, d'où formation de gildaplate de rabouinite, élément neuromoteur et fondamental de schmilblick. Guy et Sylvain en bavaient et étaient rouges d'attention soutenue. À suivre intensément et intensivement. Raphaël Fauder vient de démontrer l'importance du rôle que joue le Laplace-Moll dans le fonctionnement de Schmilblick. « À toi, Jules !» dit Raphaël Fauderge. Et Jules assura la relève. « Passons de l'autre côté de l'appareil, maintenant, dit-il. « Voyez, messieurs, le Schmilblick se met en marche par simple rivaction de la rabre jusqu'à voici. Et il désigna un gros bout de ficelle rivé entre deux lames d'acier. Il tira dessus, et effectivement, l'appareil se mit en marche. Un doux ronronnement se fit entendre. « Automatiquement, continua Jules Fauderge, le flugduc mettra nos clapsoïdiques, naturellement. Ça va de soi, dit Guy. Autrement, ça n'aurait aucun sens, appuya Silva. Bien entendu, approuva Jules Fauder. Lequel flugduc métronoctopsoïdique entraîne par le jeu de ses trois spodules et de sa liquemouille le burnoufle du grand Berdimer qui, faisant pression sur la rutole de Cybergément, libère la masse des avaltarépodes, laquelle pousse le clampier vers le viré d'Alcalimon. C'est génial, s'exclama Guy. Et bouleversant, dit Silva. Ah, ça va mieux, dit Léo à la migraine. Qui en avait terminé avec sa petite séance d'entraînement personnel. « Et, demanda Sylvain, vous n'avez jamais connu de déboire au cours de vos travaux ?»« Oh, si, intervint Raphaël Fauderge. Nous avons même connu des moments difficiles, déprimants même, sans toutefois douter du résultat final. Et ainsi que jusqu'à ces derniers coups, un accident était à redouter. »« Un accident ?» s'étonna Guy. « Et pourquoi donc ?»« Le calcifrage, » expliqua Jules. « Le calcifrage ?»« Eh oui, le calcifrage qui risquait de se produire par suite du passage du flaque d'azimuth dans le calcif du propentaire de l'artification. » En effet, c'était grave, émit Guy. D'autant plus grave que ça menaçait de provoquer une crise aiguë. Ah, mes amis, nous en avons passé des nuits sans sommeil à cette époque. Heureusement qu'on dormait le jour, rectifia Raphaël. Jules Fauderge reprit. À ne rien vous seuler, nous avons, durant un long moment, procédé à l'aveuglette. Nous avons essayé de remédier à cet inconvénient par simple concractage préliminaire des gorgomoches. Mais nous rendîmes rapidement compte que ce remède était pire que le mal, puisqu'il y avait alors à redouter la contriction des lixiomes dans la chambre à Buscontion. « Et alors ?» firent le temps les deux amis. « Et alors ? Après des jours et des jours de recherche, après mille espoirs et autant de déceptions, nous avons trouvé la solution. Il était temps d'ailleurs, car nous étions presque décidés à abandonner la partie. Tout le mérite en revient, il faut le dire, à mon frère Raphaël. Jules, je te prie, protesta ce dernier. « Si, si, c'est toi qui as trouvé. Mon frère, messieurs, a eu l'idée de brancher un simple schmatmoc sur la rutole d'admission et deux pepsoïdo-caltédos malfoireux sur le viré d'Alcalimon. Ben, vous avez dû avoir chaud, dit Sylvain. À qui le dites-vous ? Mais à vous, cher monsieur Jules. Dites-moi, se décida Guy. Il a couru à Paris certaines rumeurs incontrôlables, d'ailleurs, et qui très certainement émanent de concurrents jaloux, de détracteurs fielleux. Certaines rumeurs, dis-je, laissent entendre qu'il y a un bidule dans le Schmilblick. Les frères Fauder se levèrent les bras au ciel. Un bidule, s'écria Jules. Un bidule, s'exclama Raphaël. Un bidule, dirent-ils ensemble. Et grotesque, dit Raphaël. Et ridicule, dit Jules. Pour l'excellente raison que les propriétés du bidule sont essentiellement spélémétiques. Et non, en conséquence et en toute logique, absolument rien de commun avec le Niortiflore de Barzanoufle, qui, dans le Schmilblick intégral, ont fulmifère pour le lavalnaplage des oisbipluques ultra-chiadés. Voilà qui n'était précis, dit Sylvain. Et croyez bien que nous aurons à cœur de publier intégralement cette lumineuse mise au point de mardi 8h. Ainsi, messieurs, dit Jules Fauderge, vous en savez maintenant autant que nous sur le Schmilblick. Pourrais-je, insinua Guy avec hésitation, poser encore une petite question? Ben bien sûr. Dites-nous, le Schmilblick est certes une admirable invention, mais je m'excuse, à quoi ça sert? Jules et Raphaël Fauder s'échangèrent un regard dubitatif. Voilà bien, dit Jules, un propos de profane. À quoi sert le Schmilblick, mes chers messieurs? Voilà bien une chose à laquelle nous n'avons jamais pensé et qui est bien la dernière de nos préoccupations. Nous sommes des savants, monsieur, et nous faisons de la science pour la science, comme d'autres font de l'art pour l'art. Le côté bassement et sordidement utilitaire de notre découverte ne nous intéresse pas. Cependant, ajouta Raphaël, il est hors de doute que dans un avenir plus ou moins rapproché, le Schmilblick, à l'instar de tout ce qui ne sert à rien, pourra, s'il est judicieusement utilisé, servir à tout. Heureux de vous l'entendre dire, fit Guy. Jules Fauder s'avança à l'air inspiré. En tout cas, messieurs, s'écria-t-il, vous pourrez dire dans votre journal que tel qu'il est, le Schmilblick, qui va être prochainement construit en grande série, va devenir automatiquement l'un des facteurs essentiels de la vie quotidienne et l'instrument principal de l'harmonie entre les peuples. Car, monsieur, qu'on le veuille ou non, le Schmilblick constituera en quelque sorte la poutre maîtresse du mur de soutènement, sur quoi enfin reposera, entre les deux mamelles du redressement universel, la clé de voûte qui ouvrira à deux battants la porte cochère d'un avenir meilleur sur le péristyle d'un monde nouveau. Sur ces mots, les deux frères tombèrent dans les bras l'un de l'autre et se tinrent étroitement embrassés. Sur un signe de Léon Lavigraine, Les deux amis sortirent sur la pointe des pieds pour ne pas troubler l'extase des illustres savants. Ils se retrouvèrent bientôt dehors, l'âme et l'esprit enrichis par tout ce qu'ils venaient de voir et d'entendre. À suivre avec un intérêt croissant et brioche.